Fête du tennis en fin de semaine à Ville-Saguenay. Un événement qui semble avoir été une réussite déjà, puisqu'on a été obligé de changer de domaine, changer d'endroit parce que la demande était tellement forte. Quoi qu'il en soit, ben c'est notre collaboratrice de tennis qui habituellement nous parle de tennis, qui est une des responsables, Caroline Delisle. Salut, Caroline! Caroline, Oui, allô? effectivement, je pense que ça a tellement été populaire que vous avez été obligé de changer d'endroit, hein? Oui, c'est ça. Au début, on devait faire ça au club de tennis. On attendait peut-être 300 OK. personnes. Sauf que là, on va être tout près de Oui, 500. monsieur. Donc, c'est sûr que ça prenait un endroit un petit peu plus grand pour différentes raisons. Et puis là, on va à l'hôtel Le Montagnier à Chicoutimi. Je crois que c'est une très bonne décision. Puis au niveau du service, tout ça, ça va être beaucoup plus facile, là, beaucoup OK. plus pratique. Finalement, au club, ça aurait été même compliqué à 300 personnes. Là, donc je pense que c'est un OK. match pour un Qu'est-ce qu'il va avoir là? Ah, ben écoutez, on attend beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde de la région, évidemment. Il y a plusieurs villes qui vont être représentées. Il va y avoir beaucoup de monde de l'extérieur aussi, là, des gens qui vivent maintenant à Québec ou à Montréal et OK. qui font le trajet là, pour justement venir participer à la grande fête. Il va y avoir différentes personnes qui vont être honorées au cours de la soirée, là, des anciens champions canadiens, soit chez les juniors, chez les seniors, etc. Du monde qui ont eu des carrières là, au niveau international. Et puis c'est ça. Donc on attend là, différentes personnes comme Stéphane Bonneau, ouais. qui a déjà fait sa marque. Ensuite Michel Dufour, un autre grand joueur là, qui a joué dans la région là, il y a quelques années, évidemment. Et puis les plus jeunes, comme Marie-Alexandre Leduc, Alexandre Marquis qui ont gagné des championnats canadiens aussi. Il y a Mélanie Bernard, il y a Claude Savard qui va être honoré aussi, là, plus lui à titre administratif, parce qu'il est chez Tennis Canada depuis okay. plusieurs années. Et puis, c'est lui, dans le fond, là, qui amasse tous les sous nécessaires pour faire que la coprodueuse fonctionne aussi bien. Là. Donc, c'est ça, c'est lui qui s'occupe du côté marketing. Et puis, lui aussi, c'est un gars de la région, donc qui va être honoré. Et puis, écoutez, c'est ça, on attend vraiment beaucoup de monde. Ça va être une grande fête. C'est des grosses retrouvailles ben oui. pour plusieurs, parce qu'il y en a là, dans ça qui ne se sont pas vus. Ça va faire plusieurs années. Là. Il y en a que ça fait 25, 30 ans qui n'ont pas vu certaines personnes. Donc, c'est certain que ça va être un beau moment là à vivre. Puis, ça va être... Stéphane Bonneau, ça a été dans tes années, ça? Oui, il est un petit peu plus vieux que moi. Okay. Lui, c'est ça, il a joué au niveau professionnel aussi. Il a été... son meilleur classement, je crois, c'était 107e au monde. Okay. Il a joué, c'est ça, là, la Coupe Davis, la Coupe Alcan. Il a fait tous les circuits, là. Donc, ça a été quand même beaucoup de tournois. Puis, ça a été un très, très bon joueur. Écoutez, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs années, quand les gens pouvaient venir assister, là, justement, à la Coupe Alcan, tout ça, ben il y avait le plaisir de pouvoir le voir jouer. Ou la Coupe Davis, parce que je continue à eu la ah, Coupe oui, Davis. Ah oui, c'est juste, donc oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est toujours des beaux moments. Et puis là, Stéphane n'est plus dans le monde du tennis. Il a enseigné longtemps. Là, présentement, il est plus il est dans la peinture, là, finalement. Mais c'est sûr que c'est sûr, là, il a toujours ça à cœur quand même. Fait que là, on est bien content de voir que tout ce monde-là va descendre, faire le trajet, venir nous voir. Puis, okay. Ben oui, effectivement. Rappelle-moi, la Coupe Davis, c'était dans quelles années? Ça, c'était dans les années 80, dans les années Stéphane Bonneau, justement, puis toi-même. Ben, toi, t'es à la Coupe Fed, là, mais c'était-tu des mêmes années? Oui, okay. c'est ça. Ouais, plus les années 80, là, je dirais. Là, c'est ça, là, à peu près, là, les belles années du tennis, là, dans le temps que les gens... c'est ça, quand on avait la Coupe Alcan, il y avait Alma aussi qui avait une tranche de la Coupe Alcan, mais à Chicoutimi, okay. c'était le Grand Prix. Donc là, ça regroupait là, tout le circuit, puis c'était vraiment les meilleurs. Donc à ce moment-là, le parcours à Gaultier attirait beaucoup ah, de spectateurs, tout ça, là, parce qu'on avait vraiment du bon calibre, c'était du calibre international. Donc c'était vraiment beau à voir. Puis la Coupe Davis, on l'a eu une fois à l'extérieur, à Rosaire-Gaultier, puis une fois aussi à l'intérieur, au Centre Georges Vézina. Donc il avait recouvert là, justement la surface, si on veut, avec des contreplaqués, parce qu'il y avait un genre de tapis par-dessus ça, là, fait que c'était quand même... Et puis, il y avait beaucoup ah, de... Ah oui, OK. Donc, oui, c'est pas facile, hein, quand on a un tapis à l'intérieur comme ça, il faut vraiment que ce soit une surface parfaite, là, mais sinon, ça peut arriver qu'il y ait des petits mauvais bons, puis c'était le cas à ce moment-là, mais écoutez, ça a été quand même des beaux moments, là, parce que c'est les deux seules fois que c'est arrivé d'avoir la Coupe Davis. C'est quand même un événement majeur. Fait que pour la région, c'était quand même très, très, très bien là, d'avoir de pouvoir de tenir. Okay. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait se reproduire? Dans la région, ben plus maintenant, avec les demandes, probablement. Moi, c'est sûr, maintenant, là, c'est sûr, ils sont un petit peu plus sévères au niveau des infrastructures. Okay. Puis, tu sais, tout ça, là, ça prend quand même. Dans ce temps-là, c'était peut-être un petit peu moins sévère, évidemment, même pour les juges de ligne, pour tout. Tu sais, maintenant, tu as besoin. Tu sais, les juges de ligne, on ne peut pas mettre n'importe qui sur les lignes. Avant, là, tu sais, même durant la Coupe Alcan, on était obligé d'avoir des juges de ligne, mais on pouvait prendre un peu n'importe qui, dans le fond. Fait que tu n'avais pas besoin d'avoir là, de grade ou de certification quelconque, là. Et puis, là, maintenant, c'est plus ça du tout. Là, on pourrait pas aucunement faire ça. Fait que c'est la même chose un peu avec les tournois. Hein. Donc, tout est important, là, la qualité de la surface, le nombre de spectateurs qu'on peut accueillir, bon, ainsi de suite. Là. Donc, ça me surprendrait bien gros là, qu'on puisse réavoir un genre de tournoi comme ça. Là. Maintenant, ça serait plus là, dans les grands... Ah oui. OK. Est-ce que c'est une situation... est-ce que c'est quelque chose que vous voulez reproduire? C'était peut-être pas à toutes les années, mais éventuellement, c'est une activité qui pourrait se reproduire, ces retrouvailles-là? Là, ça, on le fait cette année. Ça me surprendrait que ça se reproduirait. Là. Écoutez, au départ, ça devait être un petit peu plus là, pour souligner les 25 ans de sport-études, puis tout ça. Puis là, ça a comme grossi. Puis là, après ça, ils ont décidé de faire des... pour honorer certaines personnes, tant qu'à le faire. Puis là, pas sûr, ça s'est transformé en grosse retrouvaille avec plein de monde. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du monde de tous les âges, du monde là, un petit peu plus âgé aussi, là, qui ont travaillé justement dans ces années-là, là, auprès de ces différents tournois-là qu'on a eus, là. Et puis c'est sûr, ça va donner droit là, vraiment à des beaux échanges là, entre les personnes, juste échanger, se rappeler des bons souvenirs, tout ça. Fait que je pense pas qu'on va revoir un événement comme ça de sitôt, là, parce que c'est quand même une grosse organisation, c'est beaucoup de travail, tout ça. Puis nous, c'est à l'aube de notre challenger. Fait que c'est sûr que ça fait bien aussi, parce qu'on veut quand même promouvoir notre tournoi. Et puis c'est la prochaine grosse activité qu'il va y avoir là, dans la région en termes de pour le tennis. Fait que c'est certain que ça va quand même. Parlons-en du Challenge Banque Nationale. J'ai sorti il y a quelques temps, environ deux semaines, que Charlotte Robillard-Millette, en principe, devrait être là. Elle nous l'a confirmé sur nos ondes ici. C'est une bonne nouvelle, ça, pour le Challenge Banque Nationale. Lorsqu'on parle de vedette, là, montante, si tout va bien, c'est sûr qu'il y a tellement d'impondérables. Mais Charlotte Robillard-Millette a le talent pour aller très loin sur la scène mondiale. C'est une bonne nouvelle pour le Challenge Banque Nationale. Oui, effectivement, on est très contents. Là. Écoutez, on sait que Charlotte est en progression constante, elle a bien fait là, à Repentigny, aux internationaux juniors, tout ça, en faisant la finale. Fait que elle continue là, justement sa progression puis à accumuler les points. Et là, on est content, là, c'est certain de l'avoir. Elle a joué aussi l'année dernière, mais là, avec un an de plus là, de bagages, puis de maturité, puis ainsi de suite, on a bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous offrir. Après ça, c'est sûr que quand on a des Québécoises ou des Canadiennes, on est toujours très très content de les voir à l'œuf parce que c'est ça, hein, on est là pour encourager la relève. Et puis, c'est ça, après ça, les suivre là, sur les grands circuits, tout ça. Fait que ça passe par des tournois comme nous. Là, on a bien hâte. On va avoir Marie-Alexandre Duc aussi, normalement, François Abanda. Alexandre Wozniak aussi qui devrait. Alexandra Wozniak, oui, elle avait confirmé déjà sa présence. Donc, c'est sûr que pour elle, c'est ça, elle fait un retour ici à Saguenay. Elle est déjà venue il y a quand même plusieurs années. Mais là, il faut dire qu'après sa blessure, elle n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'elle construise un petit peu son jeu et sa confiance. Donc, ça passe par des tournois comme nous. Puis, on est bien contents, par contre. Là, ça va être bien de la part. Caroline, bonne chance pour cette grande fête du tennis. Je sais qu'il y a des gens de Dolbeau qui vont descendre, Dolbeau-Mississigny qui vont descendre à Vissigny pour ça. Donc, c'est une belle réussite, puis on va s'en parler quand l'actualité du tennis va nous le demander. Caroline Delisle, notre spécialiste de tennis. Merci.